Daniel et Inat qui garçonnent forcé. J'y arrive, voyez, on y a canapé lié. Moi, je suis un peu plus grand que moi. Yeah.